Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 1, Bitcoin. Des hauts et des bas prononcés, 18 février 2014. Le Bitcoin s'est changé à plus de 1 200 $ début décembre 2013 en moyenne. Le prix de la monnaie virtuelle ressort à environ 600 $ sur ces différentes plateformes. Le cours de la monnaie virtuelle Bitcoin a connu à la mi-février un plus bas à 220 $ sur le site japonais Mt. Gox, l'une de ses plateformes d'échange les plus anciennes et les plus importantes, avec 15% des transactions en Bitcoin enregistrées au monde. Les retraits sur la plateforme Mt. Gox ont été suspendus et selon les médias, la société pourrait faire faillite. Mais il faut croire que nombre d'Américains ne redoutent pas les hauts et les bas du Bitcoin. En effet, les villes de Seattle, dans l'état de Washington, et d'Austin au Texas, accueilleront bientôt les premiers distributeurs automatiques de Bitcoin aux États-Unis. C'est d'ailleurs une société américaine, Robocoin, qui fabrique ces distributeurs automatiques. Elle a installé le premier à Vancouver au Canada durant l'automne 2013. Les distributeurs de Bitcoin prévus aux États-Unis seront capables de gérer de multiples transactions, non seulement du Bitcoin vers l'argent réel et vice-versa, mais également entre deux porte-monnaies virtuelles. Attention à ceux qui chercheraient à conserver l'anonymat pour des raisons quelconques. Les transactions ne seront pas anonymes puisque les distributeurs comprennent un système de vérification d'identité. Les États-Unis condamnent l'attentat contre le palais présidentiel à Mogadiscio, 20 et 1 février 2014. Dans un communiqué, le département d'État américain a fustigé vendredi l'attentat perpétré contre le complexe présidentiel de la Villa Somalia à Mogadiscio. L'attaque, qui a été revendiquée par la milice islamiste des Chebab, a fait au moins 17 morts, dont un haut fonctionnaire, mais le président est indemne. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes tuées dans l'attaque, et souhaitons aux blessés un prompt rétablissement, a dit la porte-parole, Marie Harf. Les États-Unis se félicitent de la réaction rapide des forces somaliennes qui, avec l'appui de l'AMISOM, ont pu sécuriser la Villa Somalia, peu après que la milice Chebab eut déclenché l'attaque, poursuit le communiqué. Cette attaque meurtrière, en ciblant des individus et organisations qui travaillent pour fournir au peuple somalien la gouvernance, la stabilité et une meilleure qualité de vie, souligne une fois de plus ce que les Chebab ont prouvé à maintes reprises, que la milice sème uniquement la mort et la destruction et s'oppose fermement aux efforts des Somaliens pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, ajoute la déclaration du département d'État. Madame Harf a par ailleurs réitéré le soutien des États-Unis au peuple et gouvernement somalien. Nigeria, des micro-projets de biogaz satisfont aux besoins énergétiques de villages. 21 février 2014, faire du biogaz à partir d'ordures ménagères, ce n'est pas neuf. Cela se fait partout à travers le monde, mais ce qui est plus difficile, c'est de rendre le procédé rentable, et justement, une petite société nigériane, Midori Environmental Solutions, a mis au point un processus qui, selon elle, peut aider les communautés les plus pauvres à se ravitailler en gaz et accéder à l'éclairage. À preuve, le village de pêcheurs Ibotleki dans le sud du Nigeria, l'idée ici, c'est de leur montrer comment ils peuvent se développer indépendamment, développer l'environnement où ils se trouvaient, aussi se doter d'un outil de croissance économique supplémentaire, explique Olumi Thompson, un responsable de Midori Environmental Solutions. Il ne s'agit donc pas de projets à grande échelle. Les habitants d'Ibotleki sont conviés à apporter leurs déchets dans un petit centre où ils sont broyée pour former une sorte de boue infâme qui est ensuite déversée dans un réservoir. Sa décomposition entraîne une émission de biogaz qui sert à la cuisson, ou encore à alimenter des générateurs. Le village, qui comprend environ 1000 habitants, devrait pouvoir subvenir à ses besoins énergétiques. Une dirigeante communautaire, Salina Karim, évoque le soulagement des habitants. Dès qu'on a vu, on a compris, dit-elle. On sait que cela va faciliter le développement. Dans le cas d'Ibotleki et de 4 villages avoisinants, les Nations Unies ont fourni une aide. La société Midori espère pouvoir maintenant élargir le projet au reste du pays. Kobler, vivement préoccupé par les violences à Bukavu, 21 février 2014, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo, s'est déclaré vivement préoccupé par les violences survenues jeudi à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces incidents ont éclaté lors d'une manifestation de l'Union pour la Nation congolaise. Un parti politique, on signale au moins un mort et environ 47 blessés, de sources officielles. Dans un communiqué, M. Kobler a souligné que « ces événements nous interpellent tous, le respect des droits humains restant le devoir de chacun ». La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a pu rendre visite et écouter les témoignages de 20 des victimes, signale l'ONU. Il s'agissait de civils et policiers confondus. Elle a tenu à rappeler que les libertés de réunion et de manifestation pacifique sont reconnues et garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le ver de Guinée, définitivement éradiqué au Niger, 21 février 2014. Le ver de Guinée a été définitivement éradiqué au Niger. C'est ce qu'a annoncé la représentation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Niamey, en évoquant une missive en ce sens de la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, au ministre nigérien de la Santé, et également connu sous le nom de drakinculose. Cette maladie est liée à la consommation d'eau contaminée par de petits crustacés parasités. À partir du moment où l'infestation se produit, il faut entre 10 et 14 mois pour que le cycle évolutif s'achève et qu'un ver parvenu à maturité émerge de la peau. Précise l'OMS, si elle est rarement mortelle, les sujets atteints par la maladie peuvent être handicapés pendant des mois, notamment par des fièvres, faiblesses et paralysies. La lutte contre le ver de Guinée durait depuis la fin des années 1980 au Niger. Elle a bénéficié du soutien du centre Jimmy Carter, l'ancien président démocrate américain, de l'UNICEF ainsi que d'aide du Japon et du Danemark au milieu des années 1980. On estimait à 3,5 millions le nombre de cas de drakinculose dans le monde, répartis dans 20 pays, dont 16 en Afrique, rappelle l'OMS actuellement. L'agence onusienne ne fait plus état que de 542 cas notifiés en 2012, tous en Afrique, plus précisément en Éthiopie, au Mali, Soudan du Sud et Tchad. Entretien historique entre la Chine et Taïwan, 20 février 2014. Les dirigeants de la Chine et de Taïwan ont eu des entretiens historiques dans la ville chinoise de Nanjing. Il s'agissait des tout premiers pourparlers officiels entre les deux puissances depuis la fin de la guerre civile chinoise il y a plus de 60 ans. De l'avis des analystes, la rencontre témoigne d'une meilleure compréhension par Beijing de la vie politique de l'île, et de ses efforts accrus pour amadouer les Taïwanais. À cette occasion, le président chinois, Xi Jinping, a déclaré au leader du parti nationaliste au pouvoir à Taïwan qu'il respecte le système social de l'île et que la Chine est prête à tenir des pourparlers en toute égalité avec Taïwan pour résoudre les différences politiques chroniques entre les deux parties. Cette approche plus souple contraste avec les menaces proférées en 2000 par l'ancien leader chinois Zhu Rongji contre l'électorat de Taïwan à l'occasion d'un scrutin. Note Jia Qingguo, politologue à l'université de Beijing. Selon M. Jia, la Chine évalue mieux la situation politique à Taïwan. Beijing a également d'autres idées sur la façon de répondre à l'évolution de la situation dans l'île. Encore plus significatif, la Chine tend également la main à l'opposition taïwanaise, dont une délégation a visité la capitale chinoise peu avant la rencontre historique de Nanjing. L'ancien député Antonio Chiang, aujourd'hui secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Taïwan, faisait partie de ce groupe. Il a estimé que la position de la Chine communiste évolue, et qu'elle souhaite un dialogue plus inclusif avec Taïwan, y compris avec l'opposition. Ce dont cette dernière se félicite car dans le passé, ses propres tentatives d'ouverture n'avaient pas abouti. Obama fustige la loi anti-gay que Museveni compte promulguer, 17 février 2014. Le président Barack Obama a fustigé dimanche un projet de loi contre les homosexuels que sont homologue ougandais Yoweri Museveni a décidé de signer. Face à la décision du président Yoweri Museveni de promulguer la loi, le président Barack Obama a exprimé son inquiétude. « Je suis profondément déçu que l'Ouganda s'apprête à promulguer une loi qui criminalise l'homosexualité. » Le projet de loi anti-homosexualité en Ouganda, une fois promulgué, sera plus qu'un affront et une menace pour la communauté gay en Ouganda, a déclaré M. Obama, dans un communiqué. Ce sera un pas en arrière pour tous les Ougandais et cela fait peser une ombre sur l'engagement de l'Ouganda à protéger les droits humains de sa population, a poursuivi le président américain. Par ailleurs, M. Obama a prévenu que la nouvelle législation compliquera notre relation privilégiée avec l'Ouganda. La loi en question a été votée par Parlement ougandais le 20 décembre 2013.